suite votre rendez-vous du mardi et mercredi soir, l'émission Galaxy Live, tous les mardis donc, et mercredis entre 19h30 et 20h, avec cette fois-ci l'ambiance sur rétro. La prochaine, ce sera la numéro 7, le samedi 27 juin, justement, avec bien sûr toute la team des résidents de ce concept-là. Eh bien, retour à quelques années en arrière. Là, c'est un enregistrement d'il y a quelques mois quand même. C'était lors de la sur rétro numéro 3 avec le mix de DJHS. Attention, on est en pleine soirée. Il doit être 2h30, 3h du matin. Donc, ce niveau BPM, c'est déjà bien haut. Vous allez pouvoir vous en rendre compte par rapport à ce titre-là, en tout cas. Et c'est un mix de DJHS jusqu'à 20h. Music remains on top. We'll be right back. Galaxy Live sur Galaxy depuis 19h30. Vous venez d'entendre dans l'instant le mix de DJHS qui s'accendant, hein, comme dirait l'autre, avec un extrait de la So Retro numéro 3. C'était il y a quelques mois maintenant. Et n'oublie pas que la prochaine So Retro, la numéro 7, et oui, on en arrive déjà à ce numéro-là, ce sera le samedi 27 juin, donc semaine prochaine. Et pour cet événement, il y aura la nouvelle compilation mixée, double CD, mixée par les résidents du concept So Retro, et elle sortira donc dès la semaine prochaine avec bien sûr l'équipe au grand complet pour l'Escape Concept So Retro numéro 7, donc samedi 27 juin. Il y aura d'ailleurs des passeports dès la semaine prochaine à vous offrir. Il est 20h, très précise. La suite de musique, c'est avec Nico pour l'émission Trip in Progress. Vous pouvez retrouver les track listings sur le forum de la radio. Galaxy, Galaxy, Galaxy.